J'ai mes péjours quand je marche en pèlerin, car dans toute ma vie je vois la main de Dieu. Oh oui, et la raison de ma joie, les secrets de tout cela, les consolateurs est avec moi. Il demeure. Alléluia, alléluia, il est avec moi. Ton Jésus, je me régène tes jours, ma chance est près toi seulement. Le consolateur est avec au monde, il demeure, il est là, alléluia, il est là, avec moi, ma chance est le poisson. Le consolateur est avec moi. Je vivais dans le péché, n'ayant point ce fait en moi. Jusqu'au jour où je suis comme j'étais mort dans le coin, et j'ai tombé, je me suis dit, et tout fait en lui. Le consolateur est avec mon Dieu, il demeure, alléluia, alléluia, il est avec moi, j'ai mes réjouis et jours, ma chance est le poisson. Le consolateur est avec mon Dieu, il demeure, alléluia, il est avec moi, je me réjouirai toujours, ma chance est poissonne. Le consolateur est avec moi. Il est avec moi partout. Il est avec moi partout. Et connaît tous mes soucis. Je suis heureux et libre comme un oiseau. Il est intéressé, mais pourquoi je suis satisfait, mon âme. Le consolateur est avec moi. Il demeure. Alléluia, il est avec moi. Je me réjouis, ni que je m'achante le poisson main. Le consolateur est avec mon Dieu et ta main. Pour le monde, c'est plaisir en fidèle. Il y a longtemps, je les ai abandonnés. Ma vie, toute ma vie, change un jour. Et mes passeurs ont rêvé, les consolateurs est avec moi. Le consolateur est avec moi. avec moi. Je ris de ma vie. Et de ma la foi dans l'invisible. Amen. Dieu que les humains ne voient pas. Amen. Dieu que la foi voit. Amen. Dieu que la foi de Moïse voyait. Amen. Dieu que la foi de Branham voyait. Amen. Par la foi, il se rend visible. Amen. Et les vrais croyants regardent à celui qui est invisible. Amen. Comme s'ils le voyaient. Dieu est réel. Amen. Ce n'est pas une fiction. Amen. Le combat spirituel n'est pas imaginaire. Amen. Ce n'est pas une fiction. C'est un combat réel. Amen. Dieu apporte le soutien à ses croyants. Amen. Il leur donne la délivrance en chaque situation. Amen. La délivrance est voulue. Quand il y a un besoin sincère, Dieu donne la délivrance. Car il exauce toujours les prières. Le grand je suis est le même. Ne te sens jamais délaissé. Crois en Dieu tout le temps. Crois en Dieu partout. Il n'est pas loin de chacun de nous. Elle est la véritable solide de la Bible. Rien ne peut effacer. Rien n'a été écrit. Et ça reste écrit. Toujours valable. Encore d'actualité. Dieu répond aux prières. Il change les temps et les circonstances. Père Céleste, nous t'adorons. Nous te remercions pour ce moment que tu nous accordes de méditer à tes voix, réfléchissant aussi à nos voix, méditer ta parole, mets-la dans nos cœurs, introduis-la profondément, Seigneur, qu'elle s'inscrive en grand caractère, Amen. Que ce soit une éternité dedans, qu'elle apporte la vie éternelle, la puissance et la force de la main, Amen. La force pour le voyage, tu es capable de le faire, Seigneur, comptons sur ton message, qui est exceptionnel, qui nourrit vraiment la foi, très délicieux, tout suffisant. Par lui, les écureuils ont été créés. La mère au poisson m'a retrouvé la guérison. La bonne santé. La thyroïde a obtenu le salut des célèbres de Dieu. Même le petit poisson mort, dont les yeux étaient révélisés, dont le ventre gonflé sur les eaux. Gloire, petit poisson, Jésus-Christ te donne la vie. Le poisson ressuscita. Je veux dire notre actualité. Au 20e siècle, tu l'as fait. Et tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Et tu attends qu'il faut crier de juste. Quand tes élus crient à toi, nous réunis, ta justice déclare que toi, Dieu, tu ne perdras pas à rien faire juste. Et tu leur répondras promptement. Oh, bonne gloire à ton Seigneur. Accueille favorablement nos prières. Bénis la foi de chacun. Réveille ceux qui dorment. Retourne nos yeux de distraction et nos oreilles de futilité. Nous voulons un renouveau spirituel. Une punition divine. Une attraction de ta part. Pour relever le niveau de chacun. Exhortez-nous encore. Dans le nom de Jésus-Christ et pour ta gloire, nous prions. Amen. Amen. Nous allons ici lire une portion de l'Écriture. Mon Dieu est merveilleux. Amen. Donc, on peut lire à des endroits. Matthieu 18. Matthieu chapitre 18. Nous lisons le verset 19. Il est venu encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Amen. Par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Les sous nazali koloba nabino solo yete. Soko mibale nabino bakondimana kati na mokili mpo na eloko nini ekoloba bango tata na ngai na likolo akosunga bango bongo. Amen. Daniel chapitre 2. Daniel Mukapo mibale. Nous prenons le verset 17. Longa zomina sambo. 22. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Amania, Miskaël et Azaria, ses compagnons. Il les engagea à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, amen, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Amen. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. Amen. À lui appartiennent la sagesse et la force. Amen. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Amen. Qui renverse et qui établit les rois. Amen. Qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Amen. Il révèle ce qui est profond et caché. Amen. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Amen. Et la lumière demeure avec lui. Amen. Nasi madanyele akendaki nanda kolaye. Mpe aibisaki anania. Mpe misalayel. Mpe azalia baninga na ye. Likambo yango yete babonde la nzambe na lola koyokela bango mawa na ntina na likambo ebombami oyo. Boye Daniele na baninga na ye bakufa esika moko na bato na mahele mosusu na babele te. Na nsima likambo libombami yango emonisami na Daniele na emoneleli na tango na butu. Bongo Daniele asanzolaki nzambe na lola. Daniele alobaki ete kombo na nzambe esanzolama. Amen. Lobiko na lobiko. Mpo ete mayele mpe nguya izali na ye. Amen. Ye akosanzaka tango nyonso, tango mpe sanza. Ye akolongolaka mikonzi mpe akotelemisaka mikonzi. Ye akopesaka mayele na bato na mayele. Amen. Mpe boyebi na bango basosoli. Ye amonisi makambo na bozindo mpe makambo na bobandami. Ye ayebi yango ezali kati na molili. Amen. Mpe pole efandi esika moko na ye. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Que tout ça va comme le botangi, malvenez vous sans. Veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus. Sokoki, kobana na kombo. Bienvenue à cette tranche de méditation. Bonjour, madame, la lumière du ciel. Sans service d'adoration, et vous savez que là, nous prêchons que quelques instants. Oui, bien, tu à votre côté, kamata ramoke. Donc, un peu de méditation. Na kombo na ramoke. De nous parler l'un à l'autre. Fait aux alliés, kobana moko na moko. Pour nous encourager les uns les autres. Bon, à côté, les kamata moko na moko. Aussi longtemps que nous voyons venir les jours. Jésus revient. Jésus et nos cœurs doivent se préparer. Amen. Nous devons avoir du bon discernement, la bonne compréhension des choses, et faire correctement les choses. Et la volonté de Dieu ne soit révélée, et que nous puissions la pratiquer. Alors, notre petite exhortation ce soir, après avoir parlé jeudi passé de l'amour et la prière, l'exhortation qui était donnée au service d'adoration de jeudi passé, recherchez l'amour. Et Dieu soit béni. Recherchez l'amour. Et aspirer aussi aux dons spirituels et surtout à celui de prophétie. Et l'amour fraternel devait être ardent entre les frères. Après avoir purifié leurs âmes par l'obéissance à la vérité, cela est possible. Mais ce soir, nous voulons nous dire l'un à l'autre, ne brise pas la chaîne de prière. Ne brise pas la chaîne de prière. Nous en avons une. S'il y en a une autour de nous qui nous concerne, toi frère, toi sœur, cher frère, chère sœur, ne brise pas la chaîne de prière. Il y a une force dans cette chaîne de prière. Que la force d'une chaîne se mesure par son maillon le plus faible. Donc si vous avez une chaîne quelconque, ceux qui vous avec laquelle on peut même attacher différentes choses, ça peut être des chiens ou des chevaux. Mais cette chaîne est composée de maillons. Les maillons, ce sont ces anneaux que j'essaie d'illustrer ici. Alors, s'il y a un maillon très faible ici, entouré des autres plus gros et plus forts, on dit que la force de toute cette chaîne ici, même s'il peut y avoir des tiges par lesquelles on peut tenir la chaîne, et que des deux côtés on peut tirer assez fortement, et que alors le groupe le plus fort sera tiré, pourra tirer vers lui le groupe le plus faible. Et que à supposer qu'ici vous avez un petit David. Et que ici vous avez un géant Goliath. Bien constitué, très gros. Voyez ça? Et que lui peut prendre ici comme s'il t'aurait. Et que le petit David qui se tient là-bas ne pèse même pas. Quand tira un peu, il peut même être soulevé en l'air. Parce que la force des biceps de Goliath. Donc, c'était indiscutable. C'était un type bien constitué. Et derrière lui, il y avait la fédération des Philistins. Plusieurs groupes de peuple soutenant un grand héros. Mais David n'avait derrière lui que les peureux d'Israël. Derrière lui, c'était les peureux, à commencer par le roi Saül lui-même. Des grands peureux. Maintenant on dit qui a une chaîne qu'on tire, qu'on voit. Lui il a dit donnez-moi un homme. Si on devait utiliser la chaîne, que vous pouvez soulever. Mais attention, le Seigneur a dit dans sa parole que le cheval est équipé pour la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Dieu sait comment délivrer les croyants. Même quand tu serais affiné et à bout, Elle attend mon domaine pour se voir. À quoi tu tiens pour te tirer d'affaires? Aïe, foi dans ton Dieu. Parce qu'il ne baisse pas les tiens. Il est la force de celui qui est faible. Il est le courage de celui qui se fait abandonner. Il est le spécialiste des cas compliqués. Puisse s'en aller, qu'il respecte, mais ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il y a. Le dernier mot lui revient. Car Monsieur, sur la terre, même dans les tombeaux, le dernier mot revient à notre Dieu créateur. La parole c'était ici. David ne pèse rien. Un bout d'homme court. Mais Goliath, 3 mètres. Avec les doigts qui mesuraient 30 cm. 3 décimètres comme ça. Une grosse tête. Une grosse poitrine. De gros bras, de longues jambes, un ventre blindé comme un charretier. Et au-delà de ça, il avait des casques qui pesaient. La lumière qu'il portait sur lui pesait des kilos. Et là, t'as vu, là, il a dit qu'il pesait ma casse. L'habillement, c'est quoi? Ça pesait en kilogrammes. Et ça, là, qui pesait en kilogrammes, bébé. Alors, les comparables avec David. Vous savez qu'on vous parle de David a dit, toi tu marches contre moi. Vous allez contre moi. Contre moi. Les javelots et la lance. On a perdu notre panga. Et au nom de tes dieux, moi je marcherai contre toi. Au nom de l'Éternel des armées. Tu as insulté l'armée. Écoutez, David a vaincu Goliath. Vous le savez. Lui a utilisé une fronde. Il se cassa et tombe par terre. David n'avait pas d'épée pour le couper la tête. Mais tout ce que vos ennemis possèdent là, je peux l'amener dans vos mains. Les armes par lesquelles ils espèrent vous détruire. Mais les armes que Dieu peut utiliser entre vos mains, il y a foi en ton Dieu. Comment se réglerait ce Il est toujours la prière. Il est fidèle. Il est le fidèle de Dieu. Fidèle à sa promesse. C'est nous qui a foi, se réjouissons. David a vaincu Goliath. L'histoire ne changera pas. L'histoire ne changera pas. Dans la Bible, ça reste pour toujours. Et quand tu as la bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne Peut-être on divise par deux comme ça. Le groupe qui est derrière David est là. Ils sont ces chaînes ici. Et que le plus ferré d'entre eux, je l'appelle roi Saül. Le plus grand péré de Luigi qui est resté au bureau pendant qu'il y avait le front. C'est lui qui devait être devant, mais il s'est retrouvé enfermé au bureau. Mais même si c'était le maillon le plus faible, mais à cause du nom de l'Éternel, la commande de Jésus, dans sa partie des chaînes faibles, et est devenu fort. Pourquoi? Car ce n'était pas des considérations naturelles. Il y a eu une implication surnaturelle. Le corps de Dieu possède le surnaturel. Au-delà de la nature, il y a des forces. Nous Saül a été déclassé dans la bataille. Saül a attaqué mon pantalon. Lui et son habillement militaire. Il a pris la soda. Même son équipement. Lui a amené le petit David. Le plus courageux du groupe. Mais le plus chétif. De très petite taille. Mais il avait un beau visage. C'est ce que la Bible dit. C'est comme un beau gars, hein? Le Dieu l'a amené là-bas. Parce que le peureux, le poltron qui était là, il ne savait pas où se confier. Et David a partagé l'expérience. Le Dieu qui m'a délivré des griffes de l'ours. Le Dieu qui m'a délivré de la gueule du lion. Le même Dieu qui me délivrera de cette circonstance. Et le roi Saül a dit, que l'Éternel soit avec toi. Non pas moi le roi. Il ne lui a donné ni général ni personne. Même pas une petite. Mais il a dit que l'Éternel soit avec toi. Et ce mot-là, Amen. Ça suffit. Amen. Quelle que soit la bataille, hein, si Dieu peut être avec toi, il te dit que ça suffit. Amen. Ne regarde pas à gauche, à droite, pour savoir qui est avec moi, qui sera avec moi. Qui m'aime, qui m'aime, qui me combat, qui me soutient. Que le Seigneur Dieu soit avec toi. Il est celui qui a dit à Saül, ma grâce pêche aussi. Il sait ce qu'il dit. Et tu as trouvé grâce à ses yeux. Ce soir encore dans sa vie. Et la grâce de tes yeux. Le message de grâce. Le message de la fin est un message de grâce. Il est venu appeler le peuple hors d'eux. Libérer l'église de la prison des dénominations. Nous préparer à un enlèvement certain. C'est un message de grâce. Et tu es un heureux croyant de ça. Je veux comprendre par là que tu as trouvé grâce devant les yeux de l'Éternel. Que cette grâce te suffise. Ce message est son message. Comme a dit Frère Branham, l'ange du Seigneur est dans son message. Il fait la cour à l'église. Il est dans son message. Il amène l'église vers les eaux profondes. L'ange du Seigneur est dans son message. Et c'est lui qui performe le miracle. Il nous a Alléluia. Alléluia. Tous les resterez ici. Même le plus faible d'entre eux. La force de la chaîne d'Israël. Il est par son maillot le plus faible. Et le plus faible était celui sur qui tout le peuple mettait la confiance. Oh, le président, votre homme a cassé un poltron. Et il dit que Goliath les a testés. Il les a pesés. Et il a dit qu'il ne fait rien. Et même il a insulté les rois en public. Personne ne pouvait répliquer. Mais Dieu a toujours des petits amis. Ils ne sont pas du tout bavards. Ils sont discrets. Mais c'est la tâche. Dieu le connaît dans les coulisses. Il se le réserve pour des moments stratégiques. Il va susciter au meilleur moment. Et qu'il les déploie. Il sait que la victoire est obligatoire. Alléluia. Tu as confiance en lui? Alléluia. Regarde dans l'ombre. Ça, bon. Ça, c'est la chaîne d'Israël. Ta force s'est mesurée par son maillon le plus faible. Les Philistins sont forts. Et leur force venait de la confiance placée dans les individus. Mais Dieu a réveillé la force d'Israël. À travers des canons surnaturels. Un David s'est élevé avec une foi inébranlable dans le Dieu vivant. Et l'histoire a changé. Les temps ont changé. Les circonstances au front ont changé. Qui était le maître du jeu? Le Dieu d'Israël. C'est ton Dieu à toi. C'est lui qui est mon père. C'est ton Dieu à toi. J'aime tellement ton Dieu. Car il est le vainqueur de vainqueurs. Tout puissant conquérant. Sa main ne faiblit jamais. La puissance ne périme jamais. Les interventions ne ratent jamais. Alléluia. Le nom du Seigneur se fortifie. Le nom du Seigneur se garde. Le nom du Seigneur se bénit. Et se rend meilleur. J'ai confiance dans ce que j'ai dit. Si je n'y croyais pas, je ne vous l'aurais pas dit. Mais je l'ai déclaré. Je suis là moi-même. Le nom du Seigneur a fait cela. La parole est prononcée sur toi. Et les enfants sont tombés sur toi. C'est obligatoirement Amen. Heureux celui qui a l'éternel pour Dieu. Alors sois frère, sois célébrité, c'est pas la chaîne de prière. Ah, je ne voulais pas. Je ne passais pas parler pendant 4 minutes. Mais regardez-moi ça. La qualité de la vie, je vous invite à noter. Si j'étais un fou. Je dis, c'est juste quelques instants. Le écoutez, ne brise pas la chaîne de prière. Par la grâce de Dieu, je vais abréger. Je vais encore abréger beaucoup. Ne brise pas la chaîne de prière. Quand il y en a une, quand il y en a autour de toi, et qui te concerne, ne rate pas l'occasion de prier. Associe-toi aux fidèles. Et invoquez ensemble le nom du Seigneur. Je vous le déclare encore. Moi je dirais ce soir, au-delà de ce que je viens de vous déclarer, vous venez d'entendre cet témoin oculaire et auriculaire. Je vous déclare encore. Je sais à quoi tu vas dire Amen là. Posez-toi à entendre encore c'est ton Seigneur Jésus-Christ. Les dernières paroles. Je vous déclare encore. que si Dieu est entre vous, s'accorde sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera donnée. Ah, mon Père qui est dans les cieux. Ça, c'est une déclaration supplémentaire. Les ténèbres ne gagneront pas jamais. Les sont véritables. Elles sont en route. Dieu répond aux prières. Si Dieu s'accorde sur la terre, mon Père qui est dans le ciel. Mon Père qui est dans le ciel. C'est ton Dieu que j'ai. Il vous l'accordera. Mettez le nom que vous voulez. Mettez le sujet que vous voulez. Mettez le terme que vous voulez. La chose, quelle qu'elle soit, elle vous sera accordée. Ainsi dit le Seigneur. Et quand la voici Marie, vous vivez dans un monde nouveau. Les circonstances changent. Les temps seront forcés de changer. Les témoignages se multiplieront. Et combattent ça. Votre frère Branham, votre précieux frère Branham, dans les sermons, la voie à laquelle Dieu a pourvu, du 1er décembre 1953, paragraphe 4, le seul problème, c'est simplement un petit point de contact. Le seul problème, c'est simplement un petit point de contact. Et nous pouvons trouver ce petit point de contact. Quoi? Avec les vrais fidèles, avec lesquels nous pouvons nous associer dans les prières, Amen. Et vous verrez la suite. Toi seul avec ce Dieu-là. Amen. Un petit point de contact. Amen. Que le contact se fasse. Amen. Toi qui vis dans le naturel. Dieu est dans le surnaturel. Il vous faut un petit point de contact. C'est ça le seul problème. Amen. Si ce petit point de contact est trouvé, Amen. Les choses seront forcées de suivre un autre chemin. Amen. Eh bien, lorsque j'avance ce mouchoir, c'est avec une lettre circulaire. Je demande à tout le monde de prier au même moment. À 9h le matin, à midi et à 15h. Le service de prière et l'application de mouchoir était avec une lettre comme celle-là. Donc ce n'était pas des petits cadeaux de tissu magique qu'on dit sérieux aux gens. C'était un programme de prière mondial. Et c'est dans le monde entier. Et les gens se lèvent à minuit. Dans les vieilles campagnes, pour tenir cette chaîne de prière au même moment. Littéralement, des dizaines de milliers de billets et des milliers de gens prient au même moment. Qu'est-ce que c'est là-bas? Écoutez, dire son Bernard, Dieu est obligé d'exaucer. Amen. Dieu est obligé d'exaucer. Amen. Vous prenez d'assaut le ciel. Amen. Avec vos cœurs. C'est comme un bataillon militaire qui prend d'assaut le ciel. Au même moment. Amen. Alléluia. Dans le monde entier. Alors Dieu est obligé. Pourquoi obligé? Parce qu'il y a une écriture dans ce bâtiment. Matthieu 18, 19, ne l'oublie pas. Amen. Le Seigneur l'a déclaré encore. Amen. Il dit, Amen. Vous prenez d'assaut le ciel avec vos prières. Alors, il doit exaucer. Pensez tout simplement aux nombreuses personnes fidèles. Et elles prient les unes pour les autres. Chacun les a le prix. Et on les pose sur les gens. On pose ces mouchoirs là sur lesquels on a prié. On les pose sur les gens et on prie. Et vous dites les résultats. Dieu de Branham est-il mort? Non. Est-il dans les tombeaux? Est-ce qu'il est ici? Est-ce qu'il peut nous exaucer aussi? Et nous sommes sérieux fidèles. Oui et amen pour toujours. J'ai reçu beaucoup de glorieux témoignages. Non pas seulement des témoignages, mais des glorieux témoignages. Amen. Des témoignages qui dégagent la gloire de Dieu. Des témoignages qui reflètent la gloire de Dieu véritable. Qui vous mettent dans la présence. Amen. Qui vous ajoutent l'inspiration. Qui vous donnent un courage nouveau. Vous allez rechercher la face de Dieu. C'est glorieux témoignage. Branham en a reçu beaucoup. Au sujet des choses que notre Seigneur a accomplies. Amen. Est-ce qu'il est le même aujourd'hui? Amen. Est-ce qu'il est le même? Non. On ne l'a jamais enterré. Non, non, non, le Dieu de Branham n'a jamais été enterré. Dans l'histoire de ma vie, prêché le 19 avril 1959, l'histoire de ma vie. Oh, paragraphe 6e. Maintenant, si vous n'avez pas de mouchoir, et vous voulez envoyer, eh bien, vous n'avez qu'à écrire de toute façon. Si vous n'en avez pas besoin tout de suite, gardez-les dans le livre des Actes. Dans la Bible, au chapitre 19. Et cela vous sera envoyé sous forme d'un petit tissu blanc. Contenant des instructions. Notamment, il faut d'abord confesser vos péchés. Et merci, il faut confesser vos péchés. Et vous ne devez jamais essayer d'obtenir quoi que ce soit de Dieu. Sans être d'abord en ordre avec Dieu. Avant tout, confessez vos péchés. Chaque femme, confessez vos péchés. Et ensuite, on vous recommande là de faire venir vos voisins et votre pasteur. Obengisa, Bajalani, na Baninga na Kofanda, et puis Mokengeni na Bino. Et si vous avez quoi que ce soit dans votre cœur contre quelqu'un, allez d'abord redresser la situation. Et puis revenir. Et après, prier. Faites une réunion de prière chez vous. Écoutez, épinglez ce mouchoir à votre sous-vêtement. Et alors, voyez Dieu. Et à ces trois heures-là, tous les jours, il y aura des gens à travers le monde qui prieront, formant une chaîne de prières à travers le monde. Et Dieu est obligé de quoi? Mes soeurs, Dieu est obligé de... t'exaucer parce que c'est sa promesse. C'est l'écriture en application. Et Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Vous l'aimez tellement, non? Moi, je l'aime tellement. Je l'aime tellement que je l'aime tellement. Je l'aime tellement. Oh, gloire au Seigneur. Oh, regardez comment c'est merveilleux là. Alors, dans le sermon, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Qui éveille. Pareil à l'aigle qui éveille. Le 3 avril 1960. Il essaye de contextualiser les heures choisies pour la chaîne de prière mondiale. Par exemple 14. Eh bien, peut-être que vous n'avez pas votre mouchoir ici. Nous pouvons vous aider de quelque manière que ce soit. Vous envoyez un petit tissu. Il y aura un petit formulaire et nous avons une liste de prières qui parcourent le monde. Des gens s'enlèvent à toutes les heures de la nuit. Ils gardent dans cette liste de prières. Selon l'heure d'hiver de New York. Nous prions à 9h, à 12h et à 15h. Suivez encore l'arrière-pensée de ça. C'est à ces heures-là qu'on offrait le sacrifice selon l'Ancien Testament. C'est à ces heures-là qu'on offrait le sacrifice. Selon l'Ancien Testament, c'est le Christ. Voilà qui justifie le choix de ces 3 heures. 9h, midi, et 15h. Et nous prions ainsi. Et les gens à travers le monde s'élèvent à différentes heures dans une longue chaîne de prières. Et nous prions tous ensemble. Les uns pour les autres. Parce que je suis sûr que Dieu exaucera la prière. Suivez-moi. Il se fait de merveilleuses choses. C'est ça. Et nous aimerions vous mentionner sur notre liste de prières afin de prier avec nous à ces heures. Voyez la chaîne de prières qu'entretenait le prophète William Branham. Et vous entendez le résultat que cela produit. Est-ce que si nous répétons la même formule, aurons-nous les mêmes résultats? Si nous entrons dans le même cycle, il y aura nécessairement les mêmes résultats. À chacun d'entendre et d'appliquer en ce qui concerne sa vie personnelle. Oh, que Dieu soit loué. Alors là, il prenait l'heure d'hiver de New York. Alors, il a carrément appelé ça le fuseau horaire du centre des États-Unis. L'heure d'hiver de New York. Alors ça coïncidait avec les heures auxquelles on offrait le sacrifice. Selon l'Ancien Testament. Et Dieu a fait des choses merveilleuses. Et il y a eu des glorieux témoignages. Du Dieu de la Bible. Bien-aimé. Nous, au tabernacle chrétien, présentement, nous avons aussi une chaîne de prière, non? Vous savez quel jour? Oui, vendredi. Chaque vendredi. Gloire à Dieu. Amen. Chaque vendredi. Amen. Et nous avons pris l'heure du lever du soleil. 10h du matin. Pour permettre aux travailleurs de ne pas rater le début de leur journée. Un jour, je vous parlerai aussi du service d'adoration du lever du soleil. Qui s'est pratiqué aussi une fois l'an. Autour de la période de Pâques. Et ça se faisait de 5h à 6h du matin. Et les enfants de Dieu commençaient, là, Père Branham prêchait que pendant quelques instants, et puis on se donne à la prière. Pour attendre 6h du matin, à laquelle le soleil se lève. Et ah. Pas, et dès qu'il était 6h, on éclatait en louange, en adoration, pour célébrer le Seigneur à cause de ce qu'il avait fait il y a 2000 ans en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Peut-être que je vous en parlerai. Toutes ces bonnes choses qui sont dans la parole de Dieu, c'est notre héritage. Nous pouvons, quand la conduite est là, sans en faire un formalisme froid, quand la conduite est là, nous pouvons également les ajouter et Dieu fera toujours des choses merveilleuses. Vous vous rappelez qu'à une période, on a fait ici au tabernacle chrétien, mais là ce n'était pas une fois là, c'était un matin. Hein? Alors, le culte du lever du soleil. À cette période-là, il y avait beaucoup de chômeurs parmi nous. Et le résultat, vous l'avez. Plusieurs ont trouvé de l'emploi. Dieu est juste. Nous devons savoir comment recourir à Dieu. Parce que notre Dieu sait comment délivrer ses fidèles. Il sait à quoi toucher et quoi faire. Ne vous relâchez jamais. Je répète, soyez forts. Les cartouches, le message en a toujours. Attends, vous êtes ici, la mission se voyage. Que Dieu te bénisse les chemins. Mettons nous debout pour la prière. Oh pauvre cœur, qui toujours cœur a délutté en vain. Des docteurs rongés, et si découragé, espère, ami, ami, de restaurer ton cœur, ou dis seulement, qui peut croire, que tu verras ta gloire, oh esprit, la présence, et ton corps est en vie, tout ce miracle, tu peux le voir, si tu peux croire, de tout ton corps, la puissance, la puissance, et ton corps. De ne pas te reposer le plus tôt, au pied de Jésus, ami, ne doute plus, et que tu sais, ton fiancé et bagne les sorciers. Amen. Amen, amen, et Daniel. Amen. Daniel. Il est le même Dieu. Amen. Quand la situation était critique, mm. là à Babylone, mm. et que le roi furieux avait décrété de tuer tous les sages, les magiciens, les astrologues, on a commencé à exécuter. Des papas de famille sont morts. Égorgés, décapités, tirés à bout. Parce que c'était la décision du roi. On a commencé à chercher Daniel et ses compagnons. Ah, mais le commandant du roi a entendu la prudence de Daniel. La Bible dit que Daniel parlait de manière prudente. Ah, le commandant du roi. Il demande, mais comment la sentence du roi est-elle si sévère? Qu'on nous donne un peu de temps. Amen. Nous allons dire au roi ce qu'il demande. Amen. Non, que Dieu possède la réponse. Amen. Non, que Dieu répond aux prières. Amen. Non, que Dieu connaît le besoin de tous les humains. Amen. Et le commandant a mené Daniel jusque chez le roi. De justesse, on a donné du temps à Daniel. Amen. Et Daniel est venu solliciter une chaîne de prières. Amen. À ses trois compagnons. Il les a engagés à invoquer la miséricorde. Amen. Dieu des cieux. Amen. Le Dieu est très haut. Amen. Amen. Le Dieu omniscient. Amen. Mais il a une miséricorde. Implorons-la. Amen. Afin qu'on ne passe pas périr le juste. Et ensemble Amen. Avec les païens. Et le monde n'a pas gagné. Et alors, le secret fut révélé à Daniel dans Amen. Une vision pendant la nuit. Amen. Si deux ou trois s'accordent. Amen. Sur la terre où vous êtes ici. Amen. Vous demandez une chose quelconque. Amen. Elle leur sera donnée. Amen. Par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Le même Dieu des cieux. Amen. Daniel et ses compagnons avaient invoqué. Amen. Le même Dieu des cieux. Comme Jésus-Christ nous parle de cette chose. Il est le même Dieu des cieux. Qui est ton Dieu que je sais parler. Quelle que soit la chose. Amen. Croyez que vous allez recevoir. Je suis obligé d'exercer. La lumière habite avec lui. Amen. Prions chacun. Encore un mot. Ombre la montagne, le feu divin. Ombre la montagne, le feu divin. Je ne veux plus d'être mon cœur, je ne veux plus. Dieu Tout-Puissant, nos cœurs t'aiment. De l'amour dont tu nous as aimés. De l'amour que tu nous as appris. Que tu nous as enseigné. L'amour rédempteur. L'amour du Dieu des cieux. Notre bienveillant Père Céleste. Dieu suprême. Immuable, incomparable, surnaturel. Entends la prière de chacun de nous. Reçois-la favorablement. Toutes les requêtes. Tous les besoins formulés. Toutes les demandes. Reçois-les favorablement. Et donne suite. Nous avons témoigné de toi. Au nom de Jésus-Christ. Que tu exauces toujours la prière. Descends et confirme ta parole. Chacun de nous devient un témoin de cela. Et la parole a été proclamée sur lui. Et les effets sont tombés sur lui. Que ton surnaturel s'ajoute à notre naturel pour déjouer l'ennemi, pour déjouer les démons, pour anéantir le complot, le projet maléfique, toutes les paroles méchantes, blessantes, obscurcissantes, qu'elles soient anéanties, Seigneur. Que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus-Christ, nous offrons ces prières. Et pour ta seule gloire. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu soit loué. Amen.